Est-ce que ce gouvernement... Ce gouvernement conduit une politique économique qui est non seulement inefficace, mais encore méprisante, mensongère et indigne de confiance. Hey, il chie sur notre gang, là. Je vais laver l'affront, moi. Du calme, messieurs. Voilà le résultat. Silence, silence. Que le député de Seine regagne sa place. Que le député de Seine regagne sa place. Silence! Du calme, s'il vous plaît! Mon Dieu, à quoi joue-t-il? Ce n'est pas très clair, monsieur le Premier ministre. Et certains membres du Parlement qui bafouent nos institutions, comment osez-vous descendre ici, monsieur, vous planter devant moi, il y a pas le souper! Relax, tapette. Et ouais. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Et ouais, mon frère. À part mon maître, t'étais où, toi qui parles à ma place? T'étais où quand je traverse ma place? Vaut mieux que tu restes à ta place. Je suis venu frapper comme un attentat. Tu m'écoutes rapper, mais ça s'arrête là. T'as voulu me flatter, mais tu me connais pas. Ils ont voulu m'arrêter, mais ils arriveront pas. Ils ont voulu me coincer avec ces gens de l'État. Hamdoulé, toi qui passes au taquet avec ton CLK. J'suis pas venu chanter l'América ou vanter leur rapta, leur soi-disant gangsta. J'suis venu braquer avec ton Beretta. J'ai une histoire datée avec mes gars. Ils ont voulu nous planter la région PACA. Et merde, t'as voulu me tenter avec ta Numba. Il est temps de danser avec ta Lolita. Il est temps de banquer pour ma musica. Alors goûtez, c'est la Bumba. C'est la Bumba. C'est à nouveau. Il vient d'arriver en ville, mais il a les dents longues. Il accepte n'importe quoi, même les coups les plus risqués. Ce type n'a peur de rien. Il n'a rien à perdre alors que toi... Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas. Y'a tes SMS, j'suis pas ta star news. Y'a pas de balèze, que des tarlous. Pose-moi 16, rien de plus. C'est le sud-est en focus. Laisse qu'ils accusent, le shitan, ouais, ouais, s'ils s'amusent. Suivi du neuf, c'est de sa ruse. Toutes ces fesses de go, soi-disant qu'ils se refusent. Tout ce qu'on blesse, qu'on diffuse, ça se confesse face au gus. La tristesse qui abuse, on agresse pour une puce. Ça s'empresse sans excuse, la maladresse qui use. On oubliant le test du maître. Plus belle des sens infuses. Pas que tu portes ta foi sous tes Nike shoes. Quand les frères combattent dans les ruelles de Naples. Pense pas la question pourquoi j'y blèche flouze. Le jour de la résurrection on se reverra tous. J'écris à l'heure où les smicards se couchent. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas nous voir, nous structurer. Ils préfèrent nous voir, nous fissurer. Ils osent pas nous dire d'assurer. Ils aiment pas, ils aiment pas.